Audiomatique. Thank you. Pour débuter la transmission 1-2-8 d'Audiomatique, nous avons choisi la dernière chanson du premier album du duo anglais Goldfrapp, soit la chanson Horse Tears de l'album Felt Mountain, paru en 2000. Les électronistes vous accueillent avec plaisir dans leur antre qui prend la forme du studio de CFOU, d'où sont diffusées chaque mercredi les transmissions d'Audiomatique. Jusqu'à 18h, la musique électronique est jouée en direct, mais la possibilité d'accéder aux anciennes transmissions d'Audiomatique dépasse cette antre radiophonique pour s'exprimer dans les univers numériques, notamment grâce à notre profil mixcloud.com/audiomatique. Sans plus attendre, écoutons le projet canadien Orphex et une de leurs toutes nouvelles pièces qui met à contribution la chanteuse montréalaise Mary Davidson. C'est avec l'artiste Phil Western que se terminait cette séquence musicale. De son album double World's End, paru en 2003, nous entendions la pièce Dark Star. Avant Phil Western, c'était le projet russe L-Own et la pièce Stony Hearted, qui est disponible en format numérique par le biais de la page Bandcamp de l'étiquette Hidden Vector Records. Et en début de séquence, nous écoutions la pièce Walk Into the Broken Night du nouvel album de la formation Orphex, album intitulé Pitch Black Mirror. Sur cette pièce, nous pouvons entendre la chanteuse montréalaise Marie Davidson. À Audiomatique, voici un nom bien connu dans le milieu de la musique électronique, Aphex Twin. Thank you. ce segment musical à Audiomatique se terminait avec le groupe Ladytron, qui est basé en Angleterre, et la chanson Deep Blue de leur quatrième album studio Velocifero. On a pu entendre précédemment à Ladytron le groupe écossais Clan of Zymox et la pièce Backdoor de leur excellent album Medusa, et pour débuter, c'était nul autre qu'Aphex Twin et sa composition Bucephalus Bouncing Ball du EP Come to Daddy. Allons-y maintenant avec la formation italienne Spectra Paris. Thank you. think about it. There's still a hole somebody needs to heal. Cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de la formation canadienne Astra, de qui nous écoutions la pièce-titre de son nouvel album intitulé Future Politics. Et avant Astra, il s'agissait de Spectra Paris, formation dirigée par la chanteuse italienne Elena Alice Fossi, connue aussi pour sa participation à la formation Curlian Camera. Nous entendions la pièce A Clockwork London tirée de l'album License to Kill de Spectra Paris, album sorti en 2010. Nous mènerons la transmission 128 d'Audiomatique à terme avec le projet allemand Beaten K, mené par Carl Kimmerl. Et sa composition Electronic Testimony from Outer Space de son album Second Vector. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié ces minutes en leur compagnie et ils vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 129 d'Audiomatique. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre profil mixcloud.com/audiomatique. Audiomatique, donc épelons-le pour une fois, AUDIOMATIQUE, donc mixcloud.com/audiomatique, ainsi que sur notre profil facebook.com/audiomatique CFOU. Et ça vous permettra de vous gaver de musique électronique en réécoutant toutes nos anciennes transmissions. Voici Beaten K, qui nous interprète Electronic Testimony from Outer Space. À la semaine prochaine. Perhaps we can get back to the meeting without any more skepticism.